Le Conseil des travailleurs de la zone industrielle de Caisson, l'Alliance des citadins pour la justice économique, la Confédération des unions syndicales ouvriers démocratiques, la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud et autres formations civiles et sociales ont tenu le 19 une conférence de presse devant le siège du gouvernement à Séoul pour exiger des autorités d'abandonner la politique hostile contre les compatriotes et de remettre en service la zone industrielle de Caisson.